Les réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, données aux correspondants de l'Agence télégraphique centrale de Corée, relativement à ce que l'administration américaine cherche à exercer menaces et pressions contre notre pays à l'occasion des tournées de son secrétaire d'État dans les pays voisins de notre République, ont été rapportées du 20 au 22 courant par l'agence de presse russe TASS, l'agence de presse Chine Nouvelle, l'agence de presse cubaine Prensa Latina, les agences de presse américaines AP et UPI, les journaux égyptiens Egyptian Gazette et Al-Fazr et leur page internet du Comité national d'études des études du Congo démocratique.